La légende des quatre mendiants. Прослушайте текст. Как вы считаете, герои разумно распорядились подарками? Il était une fois quatre garnements au nom prédestiné. Ils s'appelaient Sans Souci, Sans Le Sou, Propre à Rien et Meurent de Faim. Ils vivaient au gré de leurs envies, dormant la plupart du temps et ne s'éveillant que pour obtenir en mendiant le peu qui leur était nécessaire pour survivre. Mangeant peu, ne se lavant pas, ils n'étaient pas beaux à voir et n'inspiraient aucune confiance à qui avait le malheur de les croiser. Or, voilà qu'un jour, un orage d'une violence inouïe éclate et un pauvre étranger, perdu, leur demande l'asile en attendant que le ciel ait déversé son trop-plein de colère. Bon bougre tout de même, ils laissent entrer l'étranger dans leur misérable hutte. À la fin du déluge, l'étranger les quitte, non sans leur promettre de leur envoyer à chacun une boîte où ils trouveraient quelque chose à planter en terre et à soigner de tout leur cœur. Lorsque les boîtes arrivent, ils plantent ce qu'ils y trouvent, plants de vignes et de figuiers, noyaux d'amandes et de noisettes. Le terrain est inculte, mais les arbres y poussent et les quatre mauvais sujets apprennent même à sécher les fruits, puis ils les vendent pour composer un dessert d'hiver. Sans Souci, Sans Le Sou, Propre à Rien et Meurent de Faim, gagnent de plus en plus d'argent et travaillent de plus en plus, mais pour ne pas oublier qui ils étaient et se souvenir toujours du temps passé, ils décident d'appeler leurs marchandises les quatre mendiants. Aujourd'hui encore, on peut déguster ce dessert composé des quatre sortes de fruits séchés que sont les figues, les noisettes, les raisins et les amandes.